Je cherche encore là-haut sur la montagne les souvenirs que j'y avais laissés, les jeux d'enfants que nous faisions ensemble. Au fond de moi, je ne pourrai jamais t'oublier. J'allais cueillir pour toi des fleurs sauvages. Tous les oiseaux ne chantaient que pour nous. Je me souviens, amour inoubliable. Car aujourd'hui, tu es encore dans mes pensées. Je sombre dans l'ennui, car tu étais pour moi le soleil de ma vie. Je t'aimais nuit et jour, je t'aimerai toujours. Je ne peux concevoir la vie sans ton amour. Aujourd'hui, je suis seul sur la montagne et je revois notre bonheur passé. C'est peut-être l'odeur de la campagne, mais tout ceci n'est que vieux rêve du passé. Mon amour, mon ami, je sombre dans l'ennui, car tu étais pour moi le soleil de ma vie. Oh yeah, je t'aimais nuit et jour, je t'aimerai toujours. Je ne peux concevoir la vie sans ton amour. Concevoir la vie sans ton amour. Sillonner contre le vent,

sont rompus. Lorsque l'hiver finit, je dois faire peau neuve. J'ai besoin d'air, besoin de vivre en liberté. Je dois courir le vaste monde. Sans mon bateau, je suis perdu. Je ne peux pas rester ici. L'année longue, c'est trop petit quand on a vu autant de quais. Quand les blés, quand les champs seront levés, mon amour, je reviendrai. Et mon cœur ne pourra plus te cacher tout l'amour que j'ai pour toi. Laisse-moi prendre le large. Le temps est bon, il faut partir. Le vent se lève et je vois là qu'il les amarre. Ne pleure pas, je te promets de revenir. Je t'écrirai à chaque escale, même si ce n'est que quelques mots. Mais à présent, il est temps que je hisse mes voiles. Embrasse-moi, nous nous retrouverons bientôt. Quand les blés dans les champs seront levés, mon amour, je reviendrai. Et mon cœur ne pourra plus te cacher tout l'amour que j'ai pour toi. Quand les blés dans les champs seront levés, mon amour, je reviendrai. Et mon cœur ne pourra plus te cacher tout l'amour que j'ai pour toi. Tout l'amour que j'ai pour toi. Tout l'amour que j'ai pour toi. Réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille. sommes aujourd'hui, où elle vécu avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Pour m'asseoir près de son lit, car pour elle je suis le seul ami qui caresse encore ses cheveux gris. Je suis certain qu'elle peut m'entendre, car dans ses yeux je vois encore la vie. Elle s'accroche à l'impossible, elle s'accroche à la vie. Rosalie, Rosalie. Je suis venu voir Rosalie, lui dire merci pour ses belles années, témoigner ma gratitude et lui montrer combien j'ai pu l'aimer. Je ne veux pas qu'elle me quitte, sans elle je ne peux pas m'imaginer. Je sens mon cœur qui s'agite à la pensée qu'elle puisse m'abandonner. Rosalie, Rosalie, Rosalie, le temps nous presse. Bon, tu ne peux pas me quitter. Rappelle-toi dans l'herbe fraîche rêves de nos jeunes années. Je voulais décrocher la lune, simplement pour te la donner. Prendre les étoiles une à une, pour les déposer à tes pieds. À tes pieds, Rosalie, Rosalie. Merci Rosalie pour les beaux enfants que tu m'as donnés. Notre vie est allée si vite, on n'a pas vu le temps passer. Je veux me lier à ton âme et partir avec toi au paradis. Non, ne me laisse pas, madame, ne me laisse pas ici. Rosalie, Rosalie, hey, hey. Rosalie, le temps nous presse, moi tu ne peux pas me quitter. Rappelle-toi dans l'herbe fraîche les rêves de nos jeunes années. Oh, oh, oh. Je voulais décrocher la lune simplement pour te la donner. Prendre les étoiles une à une pour les déposer à tes pieds. Rosalie, Rosalie, Rosalie, Rosalie, yeah, s'appelait Stubor. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. Notre pauvre père, pour acheter ce pur sang, avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc. Il avait dans la tête d'en faire un grand champion pour liquider nos dettes et payer la maison. Il croyait à sa chance. Il engagea Stubor par un beau dimanche au Grand Prix de Saint-Paul. Je sais, dit mon père, que Stubor va gagner, mais après la rivière, Stubor est tombé. Quand le vétérinaire d'un seul coup la cheva, j'ai vu pleurer mon père pour la première fois. Il s'appelait Stubor. C'était un première fois. C'est comme ça chez Marianne, feeling comme vous pas très chaud. J'ouvre dans le tourbillon, rue Bajon, Migarego, comme là-bas dans les bayous. Nous autres les Acadiens, on est comme nos cousins, on s'amuse jusqu'au matin. Nous autres les Acadiens, on est comme nos cousins, on s'amuse jusqu'au matin. bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites du grand naufrage. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Par à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Ces millions de nouveautés remplir mes yeux jamais vus. J'irai au bout de mes conquêtes, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ses richesses et de ses joies. Par à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je reviendrai pour te chercher. Musique. Dis à moi quand le père s'en va. Ça fait 32 ans qu'il fait ça. Il est bien tanné de se faire mourir. Il a même plus l'espoir de s'en sortir. Chauffer un taxi, c'est pas une vie. Chauffer un truck, c'est pas un lock. Une chance que sa femme qui comprend. L'artiste qui se tient caché en dedans. Six heures et demie, la mère se lève. Ça fait 32 ans qu'elle se crève à vouloir tenir sa maison. Elle en a perdu ses passions. Femme de ménage, c'est pas une vie. De l'esclavage, c'est pas une lac. Une chance que son mari comprend. L'artiste qui s'est caché en dedans. Lui dans son cœur, c'est un grand musicien. Un artiste de talent, une sorte de mignon ou charlevoix. Elle dans son cœur, c'est une grande comédienne. Une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus. La mère soupire, elle demande au ciel de la bénir pour qu'il lui accorde la grâce de ne pas fléchir à sa tâche pour pouvoir élever ses enfants. Elle donne son âme et son temps. Elle sait que son mari comprend. L'artiste qui tient caché en dedans. Dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de Vignon ou de Charlebois. Et dans son cœur, c'est un grand comédien, une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus. Lui dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de Vignon ou de Charlebois. Dans son cœur, c'est une grande comédienne, une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus. T'envoler. entre mes doigts, je t'ai laissé t'envoler. Tenir un amour quand cet amour se meurt. Et puisque c'est fini, je n'ai plus rien à ajouter, excepté la peine que j'ai de t'avoir. Tout de moi pour toi. tremblant qui tient ici bas sur la scène à chaque fois. Je te donne mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été, tout seul à la fois, l'amour sans secret, ce à quoi je crois, ma sincérité. Bye.